Donc, toujours en suivant l'ordre du livre, nous sommes arrivés au 12e point. Al-Mabhathu al-Thaniya Ashar, Al-Muftirat, les choses ou Mayufsidu Sawm, c'est-à-dire les choses qui annulent le jeûne. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, à travers ce qui vient du livre, en fait, Mayufsidu Sawm, on le trouve déjà dans le Coran, dans le verset de la Sourate Al-Baqarah qui commence par وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Vous a été autorisé la nuit du jeûne الرَّفَثُ avec vos femmes. الرَّفَث, selon sa place dans le Coran, il peut avoir différent, ou dans les hadiths, il peut avoir différents sens. Comme lorsqu'Allah dit par exemple فَلَا فُسُوقَ وَلَا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ فِي الْحَجِ. Pas de rafath dans le hajj. Rafath ici, il signifie, dans le jeûne et dans le hajj, al-jima, le rapport intime. Alors que parfois, al-rafath, il peut vouloir dire, comme dans le hadith qu'on avait sans doute cité au niveau du mois de Ramadan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ. Et on avait dit, yarfath ici, ça signifie qu'ils ne disent pas des paroles grossières. Donc al-rafath, selon son contexte, il peut avoir différents sens, mais ça tourne autour des choses qui sont honteuses, entre guillemets. Donc Allah dit "Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum." Donc on en comprend que la journée c'est interdit, et plus loin dans le verset, Allah dit "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr." Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de l'aube. Donc dans le Coran sont cités dans Mufsidat al-Sawm, al-Jima', al-Akl ou al-Shurb. Ça, ce sont les grandes Muftirat. Puis d'autres existent qui sont retirés de la Sunna, qui sont retirés des Hadiths, comme on va le voir ici. Donc le premier, comme on l'a dit, c'est al-Jima', comme on l'a vu dans le verset. Et conformément aussi au Hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qui explique qu'un jour un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit « Halakt ». Je suis fichu, en gros. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé pourquoi. Il lui a dit « Waqa'tu bara'ati fi Ramadan ». Qu'il avait eu un rapport avec sa femme pendant le jour de Ramadan. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a orienté vers, lui a ordonné de faire ce qu'on appelle « al-kaffara ». Et en plus de cette kaffara, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit faire comme toute personne qui casserait son jeûne volontairement, par une des causes qu'on va citer, ça c'est pour toute personne qui casse son jeûne, quelle que soit la façon. Il doit demander pardon à Allah et se repentir, parce que qu'est-ce que c'est? Toute personne qui annule son jeûne par quelque façon que ce soit, il doit faire tauba, demander pardon à Allah, parce qu'il a commis un péché énorme. Et il doit également faire le qada, rattraper le jour en question. Je te laisse t'en occuper. D'ailleurs, tauba, on le trouve dans une des versions du hadith que je viens de vous citer. Une des versions du hadith d'Abu Huraira, celle qui est dans Sunan Abi Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Istaghfirillah, demande pardon à Allah pour ce que tu as fait. Donc ensuite il lui a ordonné de faire le kaffara, la grande kaffara, le kaffara al-mughalladha, qui est d'affranchir un esclave. Quand l'homme lui a dit qu'il ne pouvait pas, il lui a dit alors tu dois jeûner 2 mois consécutifs. Donc celui qui a fait ça, il doit affranchir un esclave. S'il ne peut pas, il doit jeûner 2 mois consécutifs, c'est-à-dire qu'il va jeûner entre 58 et 60 jours. Et s'il ne peut pas, il doit nourrir 60 pauvres. Pour l'histoire, dans le hadith, l'homme ne pouvait faire aucune des 3 possibilités. Et quelqu'un est passé avec les biens de la sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris, donc il y avait un gros sac de dattes. Il lui a dit prends ça et donne-le. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas nourrir 60 pauvres. mais il lui a montré que, au moins avec ce qu'il avait, il devait nourrir les pauvres qu'il pouvait. Donc il lui a donné une partie des biens des musulmans, il lui a dit. Et l'homme lui a dit, A'ala afqara minni, ya Rasulallah. Il lui a dit, est-ce que je vais faire une sadaqa envers quelqu'un qui serait plus pauvre que moi et ma famille? Parce que c'est lui le plus pauvre de Médine. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, il lui a dit, alors mange-le, toi et ta femme. C'est-à-dire que, de toute façon, même si on lui donnait de l'argent, ou des biens plutôt, des dattes ou de la nourriture, il ne pouvait pas le donner à autrui dans le sens où lui-même il en avait besoin. Donc cet homme, il a été exempté. Donc si sur le moment, l'individu qui a commis ça, il n'a pas de quoi faire l'it'am, dans le cas où il est contraint de faire l'it'am, il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, et qu'il ne peut pas, alors il est exempté. Un point, c'est tout. Il doit se contenter de taubatu ou al-istighfar. Peut-être certains d'entre vous, ceux qui sont nés au bled, ils ont déjà entendu que cette kafara, la grande kafara, elle est pour toutes les muftirat. Par exemple, si quelqu'un volontairement pendant le ramadan, il mange, il doit demander pardon à Allah, rattraper ce jour et faire cette kafara qu'on vient de dire. Si c'est d'une autre façon, il doit le faire. Ça, pourquoi vous avez entendu ça? C'est parce que c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik, rahimahullah, il est d'avis que cette kafara, en fait, comment il a compris le hadith? Il n'a pas compris le hadith par rapport au fait que cette kafara, elle est vis-à-vis du jima. Elle est vis-à-vis de toute personne qui vient à annuler son jeûne volontairement. Donc, il se trouve que dans le hadith, c'était par le jima. Vous comprenez? Il a compris le hadith d'une façon plus générale. Alors que le reste des fuqaha et des imams considèrent que cette kafara, cette grande kafara, elle est seulement pour le jima. Donc la deuxième chose, on va rester dans ce qui est en rapport avec Al-Jima, c'est Inzal ul-Mani Birtiya. Parmi les choses qui annulent le jeûne, donc celle-ci elle n'est pas citée dans le Coran, mais on la retire du hadith qu'on avait cité la semaine dernière, le hadith Qudsi, celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de celui qui jeûne, Yada'u, c'est-à-dire ici, Yatruku, Ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. On avait vu que Allah multiplie les récompenses du jeûneur au-delà de 700. Et il dit, car il délaisse de manger, de boire, et il délaisse sa shahwa pour moi. Donc la shahwa ici, qu'est-ce que ça veut dire? La shahwa, c'est l'ardeur, le désir, le besoin sexuel. Donc le fait qu'il le délaisse, ça implique qu'il ne l'assouvit pas. Or, le deuxième point qu'on vient de citer, Inzal ul-Mani Birtiyar, c'est le fait d'éjaculer de façon volontaire. Donc celui qui éjacule de façon volontaire, on ne peut pas dire de lui, Yatruku shahwatahu min ajlillah. Il a délaissé sa shahwa pour Allah. On dit de lui, Yaqdi shahwatahu. On ne dit pas de lui, Yatruku shahwatahu. Donc c'est pour ça que les 4 imams, et à ma connaissance tous les fuqaha de leur génération, ils considèrent que le fait d'éjaculer de façon volontaire pendant la journée de Ramadan, ça annule le jeûne, quelle que soit la façon dont la personne le fait. Donc ça, c'est autre que le jima. C'est un autre point que le premier. Parce que le jima, on l'avait vu dans le rusl. Quelle est sa définition? Ilaju al-hashafati walau biduni inzal. Donc on avait dit, en arabe ça passe, mais quand on le dit en français, c'est un peu... On avait dit que le djima, qui entraîne toutes les règles dans l'islam, qui entraîne l'obligation du rousl, qui entraîne le kafar al-murallava dans le jeûne, qui entraîne haddouz zina, qui entraîne tout ce qui entraîne, c'est le fait que l'homme entre, que la partie supérieure de son membre entre, même si il n'éjacule pas. Alors que là, on parle d'autre chose. Le deuxième point, c'est l'éjaculation. Sans djima. Donc ce sont deux muftirat différentes. Donc celui qui le fait, eh bien lui il doit faire tawba et le qada, mais sans la kaffara, selon la plupart des ulama. Donc c'est l'occasion de parler de certaines choses qui n'annulent pas le jeûne et dont on pourrait penser qu'elles font partie de cette deuxième. C'est notamment al-madhi. Al-madhi, donc à différencier de ce qu'on appelle al-mani. Al-mani, c'est le sperme. Al-madhi, c'est un liquide transparent et visqueux qui sort de l'homme sans qu'il s'en rende compte quand il pense à des choses de ce domaine-là ou quand il pratique des choses de ce domaine-là. C'est comme une introduction. Donc ça s'appelle al-madhi. Il existe des fuqaha qui ont dit que la sortie du Mahdi annule le jeûne, comme c'est le madhhab connu chez Al-Hanabila, même si ce n'est pas rapporté textuellement de l'imam Ahmed, mais Al-Hanabila dit ça. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de texte, il n'y a pas non plus de parole de sahabi qui dit ça. Donc qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait dire le Mahdi fait annule le jeûne? C'est le Qiyas. Or, est-ce que dans le Qiyas, on peut comparer le Mahdi au Mani? À votre avis? Réfléchissez deux secondes. Non, pas du tout. La preuve la plus grande, qu'est-ce que c'est? C'est que quand le Mahdi sort de l'homme, vis-à-vis de la salat, qu'est-ce qu'il doit faire? L'Oudou. Alors que quand c'est le Mani qui sort, le Roussel. Donc il y a une très grosse différence. Également, le Mani, il faut beaucoup de choses pour qu'il sorte. Alors que le Mahdi, il suffit juste d'y réfléchir pour qu'il sorte. Donc, annuler le jeûne avec le Mahdi, bah, ça infligerait une grande difficulté aux hommes. Donc la vérité, c'est que ça n'annule pas le jeûne. Également, التقبيل واللمس, le fait que l'homme embrasse sa femme, ou المباشرة, qu'il caresse sa femme par exemple, ou qu'il se colle à elle, ça n'annule pas non plus le jeûne. Aïcha radiallahu anha disait, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل امرأته ويباشر وهو صائم. Elle a dit, première partie du hadith, elle a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, il pouvait embrasser sa femme ou avoir un contact avec elle quand il jeûnait. Mais deuxième partie du hadith, qu'est-ce qu'elle a dit? وكان أملككم لإربه. يعني وكان أملككم لشهوته. C'est ça que ça veut dire. إرب, c'est le شهوة. Mais il était celui d'entre vous qui maîtrisait le plus son ardeur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en retire? C'est que si quelqu'un, il sait qu'il peut se maîtriser, ou alors qu'il n'a pas du tout d'ardeur, il a le droit de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il peut embrasser sa femme, etc. S'il craint que ça le mène plus loin, bah, il connaît sa personne, alors ça devient haram. C'est pas haram en soi-même, mais c'est haram, comme on dit, saddan les dharia, pour fermer le chemin qui mène à l'interdit, puisque si, ça peut le mener à annuler le jeûne par jima' ou par khurujul mani, donc on lui interdit dès le départ. Également, al-ihtilam, le fait d'éjaculer involontairement en dormant par exemple, eh bien ça n'annule pas le jeûne, parce que c'est pas ihtiyaran, c'est pas de façon volontaire. Ensuite, le troisième point, c'est al-aklu wa shurb, le fait de manger et de boire. Donc ce point-là, il est clair, juste pour l'information, il existe chez les fuqaha un avis, certains fuqaha sont de cet avis, que n'annule que le fait de manger ou de boire ce qui nourrit. Et que donc si quelqu'un, par exemple, avale une bille de plomb, ça n'annule pas son jeûne. C'est un avis qui existe chez certains fuqaha, puisqu'ils disent le sens de manger et de boire, c'est de ce nourrir. Cependant, on peut rester sur ce que disent la majorité des fuqaha et sur le côté apparent des textes, qui est que manger et boire, donc en gros mettre quelque chose dans son estomac, ça annule le jeûne, tout simplement. Donc ça, c'est pour manger et boire. Également, il y a des choses qui vont dans le même sens, c'est tout ce qu'on va faire rentrer par le nez. On appelle ça sa'out. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Laqit ibn Sabura, quand il lui a demandé hadithni anil wudu, il lui a dit, parmi les choses qu'il lui a dit, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima. Fil istinshaq, en profondeur, sauf quand tu jeûnes. Donc si ça n'annulait pas le jeûne, il lui aurait pas dit sauf quand tu jeûnes. Donc de ce hadith, qu'est-ce qu'on retire? C'est que la sunna dans le wudu, c'est lorsqu'on lave le nez, de le faire en profondeur, et lorsqu'on jeûne, d'éviter de le faire en profondeur. Pourquoi? Parce que, comme ils disent, Al-anfu manfazun ila al-ma'ida, comme la bouche. Le nez est un, le nez conduit à l'estomac comme la bouche, contrairement aux yeux, contrairement aux oreilles. Donc, et si on a un médicament à prendre, par exemple, par le nez, eh bien on doit le repousser jusqu'à la nuit. Sinon, ça annule le jeûne, comme le fait de manger et de boire. Le fait de sentir des bonnes odeurs, par exemple, ça n'annule pas le jeûne. Le fait de sentir le bukhur, comme ça volontairement, étant donné que c'est le bukhur qui est en train de brûler, et qu'en vérité c'est le ajza' al-bukhur, le corps de de l'bukhur qui est en train de partir en fumée, ils disent que ça annule le jeûne. Wallahu a'lam. Notamment les savants contemporains comme Ibn Baz, Al-Uthaymin, rahimahullah, parce que je ne connais pas d'autres avis sur la question, ils disent que ça annule le jeûne. Donc il faut éviter de le faire de façon volontaire. Quatrième point. Ma kana fi ma'na al-akli wa shurb. Quatrième chose qui annule le jeûne, les choses qui vont dans le sens de manger et boire. Alors qu'est-ce qu'on appelle aller dans le sens de manger et boire? C'est les choses qui vont nourrir l'individu. Donc, comme je l'ai dit un peu dans la khutba, en fait, dans ce qui annule le jeûne dans manger et boire, qu'est-ce que c'est? C'est soit le fait de mettre quelque chose dans son estomac. Donc toute chose qu'on ferait aller jusqu'à l'estomac, qu'on ferait pénétrer dans l'estomac, ça annulerait le jeûne. Et c'est également, du point de vue du sens, le fait de se nourrir, de se renforcer. Donc si quelque chose nourrit l'individu, même sans passer dans l'estomac, ça annule son jeûne. Et ça, vous le retenez juste pour savoir, c'est-à-dire nous, on reste sur ça. Et beaucoup de fuqaha considèrent que le fait de faire entrer quoi que ce soit, fil jawf, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, par n'importe quelle façon, même par une blessure par exemple, ça annule le jeûne. Mais nous, pourquoi est-ce qu'on reste sur la première chose que je vous ai dit, que je vous ai dite plutôt, du point de vue du sens? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a clairement dit que le jeûne est annulé par le fait de manger et de boire. Donc on ne peut pas y assimiler des choses qui n'ont rien à voir. Manger et boire, c'est pas juste faire passer quelque chose dans le corps. C'est faire passer quelque chose dans l'estomac. Ou c'est se nourrir. Donc si on fait rentrer quelque chose, par exemple, dans une blessure qu'il y a dans le pied, ni on la fait passer dans l'estomac, ni on s'est nourri. Donc en quoi est-ce que ça serait assimilable au fait de manger et de boire? Ça ne lui est pas assimilable. Donc simplement, je vous le dis pour que vous sachiez que ça existe. Et que cet avis existe et que des fuqaha considèrent que tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle al-jawf, dès que ça rentre dans l'intérieur du corps, comme par exemple si quelqu'un utilise un suppositoire, est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Selon ce qu'on vient de dire, ça n'annule pas le jeûne. Ça ne le nourrit pas et ça ne fait rien rentrer dans son estomac. Donc par quel texte, par quel hadith, par quel verset, par quel hadith, on va dire que son jeûne est rompu? Aucun. Parce que si on parle des versets qui disent que manger et boire ça annule le jeûne, ben nous on dira que cette pratique-là, cette chose-là, ça n'a rien à voir avec manger et boire. Pourquoi? Ni on a fait entrer quelque chose dans l'estomac, ni on s'est nourri. À moins bien sûr que cette chose en question, elle nourrisse l'individu. Donc parmi les choses que le Cheikh a citées dans son livre, enfin plutôt les choses qu'il a citées, elles sont au nombre de deux. Premièrement, il a dit « haqnud dam ». Le fait d'injecter du sang à quelqu'un. Donc si quelqu'un doit recevoir du sang pendant Ramadan, s'il y est contraint, ça ne peut pas être en dehors de Ramadan, et ça ne peut pas être en dehors de la journée de Ramadan, et qu'on lui injecte du sang, son jeûne il est rompu. Pourquoi? Parce que le sang, ben justement le sang c'est le but de la nourriture. On mange et on boit pour renouveler ce sang qui va nous renforcer. Donc là, c'est comme si on lui passait la première étape et on lui donnait tout de suite la deuxième. Donc c'est encore plus fort que de lui donner à manger et à boire. Donc il n'y a aucun doute que ça annule son jeûne. Et ensuite, il a cité la deuxième chose, « al-ibarun muradhiya », c'est-à-dire les perfusions, comme les perfusions avec de l'eau et du sucre, du glucose, etc., qui tiennent le malade, c'est-à-dire qui lui donnent de l'énergie, de la force, etc. Ça annule le jeûne, même si il ne mange pas. Pourquoi? Parce que même s'il n'a rien fait passer dans l'estomac, il a pris quelque chose qui le renforce, il a pris quelque chose qui le nourrit. Donc si la perfusion elle consiste simplement en un médicament, par exemple on doit, un malade il est à l'hôpital, admettons qu'il jeûne, il a la force de jeûner, on lui met une perfusion avec un médicament, mais cette perfusion il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de protéines, il n'y a rien du tout. Quand il demande au médecin, est-ce que ça me redonne de la force? Il lui dit non. C'est seulement un soin. Alors à ce moment-là, ça n'annule pas son jeûne. Pourquoi? Parce que, on répète, ni ça passe par l'estomac, ni ça le nourrit. Donc c'est la même chose pour les gouttes dans les yeux, les gouttes dans les oreilles. le noir qu'on peut mettre autour des yeux, tout ça n'annule pas le jeûne dans le sens de ce qu'on vient de dire. C'est vrai aussi pour la ventoline. Bakhakhurrabou, comme on dit, ça n'annule pas le jeûne parce que c'est juste un gaz, c'est juste un soin et qui va passer dans les poumons. Donc ça, en aucun cas, ça ressemble à manger ni à boire. Le point suivant, c'est Al-Hijama. Al-Hijama, donc Al-Hijama, c'est une pratique médicale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, est-ce qu'on dit, il l'a inventé ou il l'a appuyé? Il l'a appuyé. C'est pas l'islam, c'est ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a inventé le hijama. Le hijama, elle existait déjà chez les Arabes et autres que les Arabes. Pratiquement tous les peuples, ils pratiquent la hijama depuis longtemps. La hijama qui consiste à extraire du sang de l'être humain. Donc, une autre question intéressante, est-ce qu'on dirait c'est sunna de faire hijama? À votre avis? Sunna, ça voudrait dire que, dans le sens où, voilà, je décide que après-demain, pour pratiquer la sunna, je vais faire un hijama. Pour dire que je suis accroché à la sunna et pour gagner des hasanat. Non, c'est pas une sunna dans ce sens-là. Si j'en ai besoin, ça relève de la sunna dans le sens où, comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquiescé cette médecine et il l'a encouragée. C'est comme boire l'urine du chameau. Quelqu'un, il peut pas dire, tiens, je suis moi pour prouver mon accrochement à la sunna ou pour gagner des hasanat. Quand je vais aller au Hajj, je vais chercher quelqu'un qui sert d'urine de chameau. Quand je vais aller au bled. Non. Les Sahaba eux-mêmes, ils n'ont jamais fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé de boire l'urine du chameau à des gens qui se plaignaient de leur ventre. Donc c'est une médecine traditionnelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyée. Donc le fait qu'il l'appuie, ça nous prouve qu'elle est bonne. Et que celui qui est atteint du même mal, eh bien, il va trouver un remède dans cette chose-là. Mais est-ce qu'on dit sunna dans le sens où ça lui est recommandé? Non, ça relève des choses qu'on fait seulement en cas de besoin. Ce n'est pas une sunna en soi-même. Donc la hijama, comme on a dit, c'est une médecine traditionnelle. Et la question, elle tourne autour d'un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aftar al-hajimu wal-mahjoum. C'est un hadith qui a été rapporté par plus de 10 compagnons du prophète, radiallahu anhum, wa sallallahu alayhi wa sallam, et qui est présent dans les livres de Kutub as-Sunnah, c'est-à-dire comme Sunan Abi Daoud, Sunan at-Tirmidhi, et ainsi de suite. C'est un hadith qui est sahih, selon les savants du hadith eux-mêmes, mais autour duquel les fuqaha ont divergé. Et comme ils ont divergé autour de ce hadith, eh bien ils ont divergé autour de cette question. Est-ce que la hijama annule le jeûne ou pas? Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal et d'autres, ce qu'on appelle fuqaha ahli al-hadith, ils considèrent que la hijama, ça annule le jeûne. Donc parmi eux, Ishaq ibn Rahawai et Muhammad ibn Khuzaima. Vous connaissez ibn Khuzaima, vous avez déjà entendu, j'espère. Ibn Khuzaima. Et Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai, c'était un savant de l'époque de l'imam Ahmed. Et Ibn Khuzaima, un petit peu après. C'était un des grands savants, un des grands imams du hadith. Donc eux considèrent que la hijama annule le jeûne. Si on part de ce point de vue, eh bien, on va dire que le fait d'extraire de façon volontaire du sang en grande quantité annulera le jeûne. Qiyasan ala al-hijama. En faisant un qiyas avec al-hijama. Donc si quelqu'un, par exemple, on doit lui extraire du sang en grande quantité, dans un accident par exemple, ou pour un examen un peu spécial, parce que d'habitude, quand on retire du sang de quelqu'un, c'est en petite quantité. Mais si on doit le faire en grande quantité, alors en se basant sur cet avis-là, ça annulera son jeûne. Et donc le mieux dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Sans forcément choisir cet avis, puisque face à la divergence des quatre imams, parfois on est un peu dépourvu. Et quand après je vais vous citer ceux qui disent que ça annule pas le jeûne et pourquoi. Et vous verrez que on ne sait pas trop, devant ce genre de divergence, on est un peu dépourvu. Donc le musulman, qu'est-ce qu'il fait dans ce genre de cas? Sachant que ça ne va pas arriver tous les jours, et que c'est vraiment dans un cas rare, parce qu'il faut réunir les conditions suivantes, c'est que ce soit la journée de Ramadan, c'est-à-dire que ça ne peut pas être en dehors, et qu'on lui retire une grande quantité de sang, comme dans la hijama, parce que dans la hijama, on retire une grande quantité de sang, pas une petite. Dans ce cas-là seulement, on se posera la question, est-ce que la hijama, ça annule le jeûne? Donc dans ce genre de cas, qui arriverait rarement, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, si tu en as la force, tu crains pas de t'évanouir, termine ta journée de jeûne, et en plus tu le rattrapes, par précaution. Est-ce que ça va lui coûter cher de rattraper un jour de jeûne? Ça ne va pas lui coûter cher. Donc c'est une façon de sortir de ce khilaf. Et c'est ce que prône Al-Lajnatud Da'ima. Al-Lajnatud Da'ima, le conseil permanent de l'IFTA, eux c'est ce qu'ils disent. Ils disent, si quelqu'un doit faire un examen de sang et qu'on lui retire du sang en grande quantité, par précaution, il rattrape ce jour de jeûne. Par précaution. Pourquoi pas? Quelle précaution? Puisque les quatre imams ont divergé, on prend ce qui est sûr, c'est de rattraper ce jour de jeûne. Donc ça c'est bien surtout de l'appliquer dans les choses qui sont... Comme on vient de dire, ça va arriver rarement, et puis il n'y a pas une grosse difficulté à rattraper le jour de jeûne. Donc ce n'est pas dans toutes les questions qu'à chaque fois on va se sauver de la divergence, parce que parfois ça pourrait être, si à chaque fois tu veux sortir de la divergence en faisant ce qui est plus sûr, ça va être trop dur. Mais dans certains cas, ça n'inflige pas une grande difficulté. Donc ceux qui disent que le hijama, ça n'annule pas le jeûne, ils se sont basés sur divers arguments. Ils ont dit que « Aftar al-hajim ou al-mahjoum » Certes, c'est authentique, mais ça ne veut pas dire que son jeûne, il est annulé. Pourtant, le verbe, c'est quoi en arabe ici? Aftara. Aftara al-hajim. Ou al-mahjoum. Al-hajim, c'est celui qui pratique la hijama. Al-mahjoum, celui qui subit la hijama. Il a dit aftara. Leur jeûne, il est cassé. D'ailleurs, pourquoi celui qui pratique la hijama? Parce qu'à l'époque, il le faisait par voie buccale. En suçant le sang. Donc forcément, avec l'air, il y a toujours un peu de sang que la personne va avaler en petite quantité. Et donc ça rompra son jeûne. Ou alors, d'autres ont dit, comme il est la cause volontaire d'annuler le jeûne de quelqu'un, son jeûne il est annulé. Wallahu a'lam. En tout cas, le hadith, il annule le jeûne des deux. Ils disent en fait, ça c'est pas un jugement qui dit qu'il rompt son jeûne. Mais c'est, yani, khabarun an ma sayaoulu ilayh. C'est ce qui va leur arriver. En fait, c'est comme s'ils voulaient dire ne faites pas la hijama pendant Ramadan, parce que celui qui fait la hijama pendant Ramadan, il va manger. Parce qu'effectivement, il va tellement être faible qu'il va, entre guillemets, il va craquer, il va devoir manger. Donc c'est comme s'ils nous disaient, c'est comme ça que les autres imams l'ont compris. C'est comme si le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne faut pas jeûner pendant, qu'il ne faut pas, pardon, faire la hijama pendant le jeûne de Ramadan. Pourquoi? Parce que ça va le pousser à manger, il sera trop faible. Et effectivement, cette compréhension-là, elle est appuyée par différentes paroles de sahaba. Différents sahaba, ils disaient ça comme Anas. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, quand on lui a demandé est-ce que la hijama annule le jeûne, il a dit qu'il ne connaissait cela que min ajli da'f. C'est-à-dire qu'il dit ça n'annule pas le jeûne, mais ce qui a été dit, c'est par rapport à la faiblesse de l'individu. Donc ça conforte cette explication, c'est que ça n'annule pas son jeûne, mais qu'il doit l'éviter de crainte d'avoir à manger derrière parce qu'il va être trop faible. Et ça c'est rapporté de Anas, c'est rapporté de Abu Huraira, d'Abu Sa'id al-Khudri. Donc c'est rapporté de différents compagnons du prophète, radiallahu anhu. Donc ils ont dit qu'en fait ce hadith, même s'il est authentique, il ne veut pas dire ça. Donc nous, face à ce genre de propos, vous voyez bien que qu'est-ce qu'on va dire? Hadith, il dit Aftar al-Hajim ou al-Mahjoum. Mais on pourrait le comprendre autrement. Et des Sahaba eux-mêmes l'ont compris autrement. Le point suivant, c'est Al-Istiqa. Al-Istiqa, c'est-à-dire le fait de se faire vomir. Donc, dans un hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est dans les Sunan, man dhara'ahu al-qay'u. C'est-à-dire, man dafa'ahu al-qay'u. Celui qui est pris de vomissement. فلا قضاء عليه, n'a pas de qada à faire. ومن استقى فعليه قضاء, et celui qui se fait vomir doit rattraper son jeûne. Et ça c'est un sujet sur lequel il y a l'ijma, c'est-à-dire il y a un consensus entre les savants. Le point suivant c'est خروج دم الحيض أو النفاس, le fait que sorte de la femme le sang des règles ou les lochis, النفاس. Donc le sang des règles, c'est-à-dire que comme on l'avait vu, la femme qui est en période de haïd ou de nifas, c'est quoi le jugement du jeûne pour elle? Mais le jeûne, c'est quoi le jugement du jeûne? Elle ne doit doit pas, voilà, c'est haram. Pardon. C'est haram. Il lui est haram de jeûner. Sans discussion, sans divergence entre eux, les fuqaha. Et elle doit rattraper ses jours de jeûne. Donc à partir du moment où le sang sort et apparaît, son jour-là, il est rompu. Elle peut manger. Elle peut se remettre à manger et à boire le reste de la journée et elle devra le rattraper. An-nifas, c'est plus facile dans le sens où an-nifas, il suit l'accouchement. Ce n'est pas un sang qui va apparaître, c'est tout de suite après l'accouchement. Donc la femme le sait. Par contre, an-nifas, il est également pas ambigu, mais il peut être ambigu sur la fin de sa période. Donc an-nifas, il dure combien de temps, an-nifas? Pour être précis, il faut dire maximum 40 jours. Il ne faut pas dire 40 jours. Parce qu'un nifas, il peut faire moins de 40 jours, il peut faire 40 jours et il peut faire plus de 40 jours. Donc il y a trois cas de figure. S'il fait moins de 40 jours, par exemple la femme accouche et elle a des hémorragies, donc ces hémorragies qui succèdent à l'accouchement, on les appelle nifas. Elles prennent les mêmes règles que le haïd, que les règles mensuelles. C'est-à-dire pas le droit de prier, pas le droit de jeûner, etc. Si ça dure 25 jours et qu'au bout de 25 jours, elle voit qu'elle est purifiée de ça, alors elle recommence à prier et à jeûner. Si ça dure 40 jours, ça dure 40 jours. Si ça dure plus de 40 jours, au 40e jour, elle fait le roussel, et après elle continue, elle reprend la prière et le jeûne, selon la grande majorité des fuqaha. Et ça, c'est basé sur une parole de Umm Salama, radiallahu anha, qui disait qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il considérait que An-Nifas dure 40 jours, c'est-à-dire au maximum. Ça s'est rapporté par At-Tirmidhi. Donc c'est pourquoi la plupart des fuqaha ils disent que la durée maximum de nifas c'est 40 jours et après elle agit de nouveau de façon normale. Si les hémorragies continuent, qu'est-ce qu'elle fait vis-à-vis de ces hémorragies? Bah, elle les traite comme toute hémorragie. C'est-à-dire que si entre Dhuhr et l'Asr du sang a coulé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit refaire l'ordre. Le fait que le sang coule, même si ce n'est pas le sang de l'Aïd et de nifas, ça annule l'eau puisque c'est quelque chose qui sort par son orifice. Donc elle doit refaire l'eau. Également, si ce sang touche ses sous-vêtements ou ses vêtements, elle doit le nettoyer ou prier dans d'autres vêtements, puisqu'on avait vu que le sang c'est une najasa. Également, elle doit, comment on pourrait dire, bloquer son orifice avec un coton ou autre. Tout ça, ce sont des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux femmes qui étaient atteintes de, comment on l'appelle? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait ce chapitre. Al-istihada. Al-istihada, ce sont les hémorragies que certaines femmes subissent en dehors des règles. Ça n'a rien à voir avec les règles. Et ça peut les, entre guillemets, les chambouler un petit peu. Et lors de ces hémorragies, la femme, elle peut prier, elle peut jeûner, elle peut avoir des rapports avec son mari. Son mari peut la répudier. Ça n'a rien à voir avec les règles. Mais quand même, il y a certains ahkam, il y a certaines règles à suivre, qui sont, eh bien, faire attention au fait que c'est une najasa, le sang est une najasa. Si entre deux prières, elle n'a pas annulé l'eau, elle n'a pas été aux toilettes, etc., mais que le sang est sorti, ça annule l'eau, et elle doit également boucher son orifice avec un coton ou autre pendant la prière. C'est-à-dire, avant la prière, elle met quelque chose pour éviter que le sang sorte pendant la prière. Et tout ça, c'est des choses qui sont, à notre époque, qui sont très faciles à faire. Donc si au bout de 40 jours, elle traite ça comme une simple hémorragie. Damul hayd, le sang des règles. Donc pour éviter qu'une femme, elle sache plus quoi faire. Si par exemple, elle a ses règles, et elle peut avoir également des hémorragies. Sachant que les hémorragies ne l'empêchent pas de jeûner. Pour ça, ça reste des cas qui sont rares. Mais ça peut arriver. La grande règle, c'est que la femme se base sur al-aada. Pour savoir quand est-ce qu'elle arrête de prier, quand est-ce qu'elle arrête de jeûner, à cause des règles mensuelles, elle se base premièrement sur ce qu'on appelle Al-Ada. Al-Ada, c'est son habitude personnelle. C'est-à-dire, elle sait que d'habitude, ça vient le 13 du mois et ça dure 6 jours. Eh bien, le 13 du mois, elle arrête de prier pendant 6 jours. Tout simplement. Elle reste sur Al-Ada. Quand sa Ada, elle est avérée. Si elle n'a pas d'Ada, elle est muttariba, c'est-à-dire que ça vient d'un n'importe quel jour du mois, ça dure parfois 4 jours, parfois 7, etc. Alors elle se base sur l'autre critère qui est at-tamyiz. At-tamyiz, c'est le fait de distinguer les deux sangs. Donc ça, c'est pour celle qui a des hémorragies. Sinon, le cas d'une femme normale, si elle n'a pas de ada, dès que du sang sort, la base, c'est que c'est le sang des règles. Ça, c'est une règle qu'on peut retenir. La base dans le sang qui sort d'une femme, c'est que c'est les règles. Elle arrête de prier, elle arrête de jeûner. Mais au cas où elle subit des hémorragies qui se mélangent aux règles et qui l'empêchent de distinguer, alors elle se base sur l'ada. Et en dehors de l'ada, elle va se baser, si elle n'a pas d'ada, sur at-tamyiz. At-tamyiz, c'est le fait de regarder les critères de ce sang pour savoir est-ce que c'est les règles ou si c'est une hémorragie. Et il y a trois critères qui séparent le sang des règles du sang des hémorragies. Et certains de ces critères, on les trouve dans les hadiths. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna dam al-hayd aswadu yu'rif. Le sang des règles est noir et il est malodorant. Alors que le sang des hémorragies, il est rouge et il n'a pas d'odeur. Et un troisième critère, c'est comment on dit? Yaghlid, voilà. La consistance plutôt. Le sang des règles, il est épais. Et le sang des hémorragies, bah, c'est le sang, comme quand on saigne du nez, etc. Donc à travers ces trois critères, elle peut faire la différence. Le point suivant, c'est niyatul iftar, ou al-iyadu billah, c'est le fait que quelqu'un formule l'intention de rompre son jeûne. Mais ici, c'est la ferme intention. Dans le sens où si jamais il y avait une pomme qui passait devant lui, il la prenait et mangeait. C'est ça la vraie niya. C'est pas l'ham, c'est pas qu'il pense à le faire. C'est yanoui, et al-azm. Il a la niya qu'il casse son jeûne. Donc, quelle est la preuve de ça? C'est que s'il trouve quelque chose à manger ou à boire, il va le faire. On précise ça pour ne pas rentrer dans le wiswas. Parce qu'après, il y a certaines personnes, ils peuvent être atteints de wiswas vis-à-vis de ça. Par exemple, il se dit, oh là là, la journée, elle est longue. Franchement, j'ai envie de manger, là, je vais craquer. Après, il se dit, ah, dans le cours, on a dit, si je dis, je vais manger. Donc, c'est bon, c'est mon jeûne, il est rompu. Après, il ne sait plus, mon jeûne, il est rompu ou pas. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il craque, il se dit, pour être sûr, je mange. Et je demande pardon à Allah. Pour éviter ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par un niya. C'est la ferme intention. C'est-à-dire qu'il se dit au fond de lui, vraiment, là, mon jeûne, il n'y a plus de jeûne. Je jeûne plus, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça annule son jeûne. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on avait vu dans Arkan al-Siyam? Deux choses. Les piliers du jeûne, la niya et l'imsak. Donc tu ne peux être jeûneur que si tu as les deux. Si tu es juste mumsik, t'arrêtes de manger, t'arrêtes de boire, mais sans niya, sans avoir l'intention, tu n'es plus jeûneur. Donc si tu romps l'intention, même si une heure après tu y reviens, il y a une heure du jour où tu n'étais pas jeûneur. Donc le jeûne, il est annulé. Et enfin, le dernier point, c'est ridda. Ridda, c'est-à-dire l'apostasie. Si quelqu'un a une apostasie pendant une journée de Ramadan, il doit la rattraper. Vous allez me dire, ça arrive pas ça. Bien sûr que ça arrive même énormément. Quand quelqu'un il insulte Allah, ça arrive pas ça au bled. Malheureusement. Quand quelqu'un il insulte Allah, il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette mauvaise habitude là que les gens appellent as-sab, ça fait sortir l'individu de l'islam. Même s'il s'appelle Mohammed, même s'il fait la prière, même s'il a fait le hajj, même s'il fait tout ce qu'il veut. Insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, insulter Allah, ça le rend, il était musulman, ça le rend kafir juste en prononçant ce qu'il a dit. Il a beau dire, ouais, mais c'est un réflexe. Ouais. Insulter Allah, ça fait de la personne un kafir. Si les gens, ils savaient, déjà, ils arrêteraient de le faire. Eh bien, donc, si jamais il l'a fait, il rattrape son jour. Son jour, il est terminé. Et il le termine. Il le termine jusqu'au Maghrib, et en plus, il le rattrape. Pourquoi? Parce que, pendant ce temps-là, il est sorti de l'islam. Donc déjà, il doit faire tawba pour revenir à l'islam. Sur le champ, et le plus vite possible. Et son jeûne, il est annulé. Parce qu'il est sorti de l'islam pendant cette journée. Donc ça peut être avec cet exemple-là, parce que j'ai suité celui-là, parce que malheureusement, il est répandu dans beaucoup de pays. Et ça peut être par d'autres choses, bien sûr. Le 13e point. Al-mabhathu thalitha ashar. Shurutul muftirat. Ça, c'est un point très court. Le 13e point, c'est les conditions des choses qui annulent le jeûne. Là, on va citer une parole d'un grand savant qui s'appelait Ibn Muflih, rahimahullah. qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Furu', c'est un livre important dans le fiqh hanbali. Il a dit, rahimahullah ta'ala, wa innama yuftiru bi jami'i ma sabaqa idha fa'alahu 'amidan dhakiran li sawmihi mukhtaran. Donc qu'est-ce qu'on entend par les conditions des muftirat? Les muftirat, on vient de les citer. Mais elles ont des conditions. C'est-à-dire que quand elles sont commises, pour que ça annule le jeûne, il y a des conditions. Donc Ibn Muflih a dit, tout ce qu'on vient de citer, quand il a cité les muftirat, il a dit, ça annule le jeûne que si l'individu les fait amidan. Il les fait volontairement. Dhakiran li sawmihi. En ayant à l'esprit qu'il jeûne. Mukhtaran. Mukhtaran, c'est pas mukrahan. C'est-à-dire qu'il le fait volontairement. C'est quoi le contraire de volontaire? Ça peut être par erreur, par exemple. Par erreur, c'est comme si il mange, il regarde le calendrier. C'est quand le maghrib? Ah, 21h50. Après, il attend, 21h51, c'est bon, je mange. Et il se rend compte, c'est la feuille de la semaine dernière. Ou alors, au lieu de regarder Lille, il a regardé Metz. Et Lille, c'était plus tard. Ça arrive malheureusement. Donc là, c'est pas Amidan. Il a voulu casser le jeûne, mais il a cassé le jeûne, mais c'était pas fait exprès. Donc là, il est ma'foun an, il est excusé. Ça, c'est ce qu'on appelle al-khata. Il a fait une erreur. Donc le contraire de l'amid, c'est le murti. L'amid, il le fait volontairement. Le murti, c'est le khata, c'est involontaire. Il le fait par erreur. Donc il a dit Amidan, dhakiran li sawmihi, en ayant à l'esprit qu'il jeûne. S'il oublie qu'il jeûne, ça arrive à tout le monde. Il est chez lui, bien, j'ai soif, il sert un verre d'eau, il boit. D'un coup, il se rend compte, bah ouais, je jeûne. Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, Man nasiya wa huwa sa'imun, fa akala aw shariba, fal yutimma sawmahu, fa innama at'amahu Allah wa saqa. Ça, c'est dans le Bukhari, muslim. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui oublie lorsqu'il jeûne et qui mange ou boit, qu'il continue de jeûner car c'est Allah qui lui a donné à manger ou à boire. Donc ça n'annule pas son jeûne. Troisième critère, il a dit Mukhtaran. Mukhtaran, c'est-à-dire le contraire de Mukhtar. Mukhtar, on en comprend le khiyar, le choix de son plein gré. Dans le sens, le contraire de Mukhtar, c'est Mukrah. Il n'est pas Mukrah. Si quelqu'un, par exemple, il lui met un couteau sous la gorge et lui dit mange ou je te tue, il mange. Pour sauver sa peau, et il continue de jeûner, son jeûne il est valable. Si on lui dit, comme ça peut arriver dans certains pays, dans des dictatures, etc., si tu manges pas là maintenant, on prend ta famille, on les met en prison, on les kidnappe, ou toi tu vas à la prison, etc., au goulag, etc., il mange pour se débarrasser de l'ikra, et il continue de jeûner. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit dans le Coran, Man kafara min ba'di imanihi, celui qui mécroit après avoir eu la foi, et après Allah a fait une exception. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui est contraint, mais dont le cœur est serein dans la foi. Donc pour le kufr, Allah t'a excusé s'il y a l'ikra. C'est-à-dire si on te menace de mort, de torture, d'emprisonnement ou sur ta famille, tu as une excuse auprès d'Allah pour dire le kufr. Pour dire du kufr, on te demande de dire du kufr, tu as une excuse pour le faire. Alors qu'en est-il du jeûne? C'est d'autant plus vrai pour le jeûne. Donc toutes ces choses-là, elles n'annulent qu'avec ces trois conditions. Il les fait exprès, il le fait exprès, non pas par erreur. Il le fait en ayant à l'esprit qu'il jeûne, et non pas par oubli. Et il le fait de son plein gré, et non pas par contrainte. Par contre, qu'en est-il de l'ignorance? Et là, si vous revenez au livre, c'est un point que le cheikh a manqué de détailler. L'ignorance également, ça peut être une excuse vis-à-vis du fait de rompre son jeûne. Dans certains cas, est-ce que celui qui mange, il peut dire « je savais pas » Celui qui a un rapport avec sa femme, est-ce qu'il peut dire « je savais pas » Il ne peut pas dire « je savais pas ». Donc l'ignorance, ça dépend. Parce que normalement, le musulman, il est censé apprendre la religion. Donc les choses qui sont faciles à apprendre, que tout le monde sait, il ne peut pas être excusé pour ces choses-là. Maintenant, si c'est des choses que, effectivement, elles peuvent être ambiguës, elles peuvent être subtiles, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, le fait de se faire injecter du sang, peut-être lui, il n'a pas fait, il n'a pas tilté, il n'a pas fait le rapprochement avec le fait de manger. Là, c'est possible, on peut dire qu'il ignorait, on peut dire qu'il ne savait pas. Et si vraiment il ne savait pas, alors il n'a pas à rattraper le jour de jeûne en question. Mais les choses évidentes, il ne peut pas être excusé pour son ignorance dedans. Le point suivant, c'est le al-mabhath al-rabi'a ashar, adab al-sawm al-wajiba. Donc celui-là, on ne va pas le détailler. Celui qui veut lire, il retourne au livre du cheikh. En fait, il a cité les. Là, il va rentrer dans ce qu'on appelle al-adab, c'est-à-dire la règle à suivre, le comportement à suivre pour le jeûneur. Ce qu'on va détailler, nous, c'est al-adab al-mustahabba, ce qui est recommandé. Mais lui, il a fait une parenthèse sur un chapitre sur al-adab al-wajiba, c'est-à-dire les règles de comportement obligatoires au jeûneur. Et il a parlé en fait que d'une chose, c'est as-salat. Le fait de faire la salat et le fait de faire la salat en groupe. Donc le cheikh, en fait, il a voulu dire par là qu'avant de jeûner, normalement, il faut déjà prier. Parce que si tu ne pries pas, c'est-à-dire qu'il faut aller dans l'ordre, il faut être logique. Si tu ne fais pas la salat, ton jeûne ne sera pas accepté. Comme c'est dans le hadith qui dit que la première chose, awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah, as-salat. La première chose sur laquelle on va interroger l'individu au jour du jugement, c'est la salat. Et qu'est-ce qu'il dit le hadith? C'est que si la salat elle est acceptée, on passera aux œuvres suivantes. Sinon, on va lui, son compte sera réglé. On ne va même pas regarder ses autres œuvres. Donc s'il ne fait pas salat, son jeûne n'est même pas valable. Qu'on dise qu'il est kafir ou pas, en dehors, avant même de rentrer sur la mas'ala de tariq salat, même si on disait que ça ne fait pas sortir de l'islam, de toute façon, son jeûne il n'est pas accepté. Parce que sa salat déjà n'est pas faite. Il n'y a pas de salat à présenter pour que déjà on passe à son jeûne. Et il a insisté aussi sur as-salat ma'a jama'a, sur le fait de prier en groupe à la mosquée pour celui qui habite près de la mosquée. Comme quoi c'est le cheikh il a ramené énormément d'arguments, des hadiths et tout ça, pour dire que c'est obligatoire. Le 15e point, al-mabhath al-khamisa ashar, c'est la dernière chose qu'on verra aujourd'hui. As-sawm fi al-bilad allati yatulu fiha an-nahar. Donc c'est il a fait un chapitre sur les pays dans lesquels les jours sont extrêmement longs, voire continus. Comme par exemple certains pays scandinaves où l'été c'est le jour continu et l'hiver la nuit continue. Donc comment est-ce qu'il faut à ce moment-là? Eh bien ils appliquent le hadith du Dajjal, quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que le Dajjal il va venir sur terre 40 ans, 40 jours pardon, un jour comme un an, un jour comme un mois, un jour comme un Jumu'ah, ça veut dire comme une semaine. Quand vous lisez, vous n'avez pas compris pourquoi il dit un jour comme un Jumu'ah, ça veut dire comme une semaine. Et un jour comme le reste des jours. Et les Sahaba radiallahu anhum ont dit, comment est-ce qu'on va faire pour prier le jour qui sera comme un an? Est-ce qu'on fait 5 prières alors que ça dure un an? Au niveau du temps, des heures, ça dure un an, on fait que 5 prières. Ou est-ce que nous qaddir? Et il leur a dit, il faut faire at-taqdir, il faut estimer. C'est-à-dire que là, on pourra plus se baser sur les mouvements du soleil. On se basera sur les heures. Par exemple, on dit, dans 24 heures, il faut qu'on ait fait 5 prières. Alors que le jour, il dure un an. Donc eux, c'est pareil. Leur jour, il peut durer jusqu'à 6 mois. Donc eux, ils comptent que tous les 24 heures, il faut qu'ils aient fait 5 prières. Fajr, etc. Mais sur quelles heures ils vont se baser? Ils se basent sur le pays le plus proche dans lequel il y a un jour et une nuit en 24 heures. C'est-à-dire que la ville la plus proche où il y a une nuit et un jour en 24 heures, même si leur nuit elle fait que 2-3 heures, ils prennent leurs horaires de prière et ils les appliquent. Par contre, si le jour il est très long et la nuit très courte, mais qu'on a les deux en 24 heures, alors ils sont obligés d'appliquer les règles de base. C'est-à-dire de prier à l'aube, de prier à dhuhr un peu après le zénith, de prier l'asr en fin d'après-midi, de prier le maghrib quand le soleil se couche, et l'aïcha quand les rougeurs disparaissent. Même si leur nuit, elle fait seulement une heure par exemple, parce que là, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'excuse pour dire autre chose. Et que l'islam, il a été légiféré pour le monde entier. Donc eux aussi, ça les concerne, les heures de prière. Si ce n'est que, dans les fatwas contemporaines, les grandes instances comme Hayat Kibar al-Ulama ou l'Ifta, ils précisent que si jamais vraiment la personne ne peut pas jeûner, imaginez, c'est vrai que si le jour il fait 22h ou 23h, et que vraiment la personne elle est incapable de jeûner, eh bien elle rattrape un autre jour. Elle mange juste la nécessité, et elle rattrape un autre jour. Mais ils ne peuvent pas dire, non, comme le jour il est trop long, on invente des heures de prière. Il faut qu'il prie aux heures normales. Bon, ça, c'est, je vous ai résumé. Celui qui veut voir plusieurs détails, il revient au livre, inshallah. On s'arrête là pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين.